Introduction, le berceau et le souffle. L'histoire de l'humanité a longtemps été un champ de bataille entre deux récits que l'on croyait irréconciliables, celui de la révélation, qui parle d'une création unique et intentionnelle, et celui de la science, qui observe une lente évolution biologique. Pourtant, à l'aube de ce siècle, les données issues de la paléogénétique moderne viennent clore un débat séculaire. Les mathématiques du vivant, inscrites au cœur de nos cellules, racontent aujourd'hui une histoire qui résonne étrangement avec les textes sacrés. Elles nous disent que l'humanité n'est pas apparue par fragments éparpillés aux quatre coins du globe, mais qu'elle a jailli d'une source unique, une racine commune située sur le continent africain. Le témoignage du gène. La science nous apporte désormais des preuves chiffrées, que nous soyons d'Asie, d'Europe ou d'Amérique, nous portons tous en nous la trace d'un événement extraordinaire survenu il y a environ 60 000 ans. Un goulot d'étranglement génétique où un groupe minuscule de quelques centaines d'individus ou nos ancêtres directs a franchi les frontières de l'Afrique pour peupler le monde. Cet homozygote élevé hors Afrique n'est pas qu'une statistique, c'est le certificat de parenté de l'espèce humaine. La dimension spirituelle. Pour le croyant, cette unité génétique n'est que la traduction biologique d'une vérité plus haute, ô humain. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Ce livre a pour ambition de dresser le pont entre ces deux mondes. Nous allons voir comment les 1.2x10 exposant 8 mutations par nucléotide et les distances génétiques FST ne font que confirmer, avec la rigueur du laboratoire, ce que les prophètes enseignaient sous la tente, l'humanité est une seule famille, façonnée à partir d'une même argile, animée par un même souffle, et lancée dans une seule et même aventure terrestre.